archi bien. Archi beau. Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archigrand.org. Good morning, Archipel. Ce matin, matinée particulière, on m'entend ? Je m'entends, c'est très bien. On s'entend bien. On s'entend bien. Matinée particulière, la team de Archipel, c'est un peu chamboulé, dispatché, comme ça. On a Clara à la régie. Vous avez peut-être entendu la délicatesse des transitions. Grand changement. Et matinée donc à Archipel. Maintenant, vous connaissez un peu le programme. On commence avec la capsule du jour d'avant et pour entendre qu'est-ce qui s'est passé au Festival Archipel hier, qui c'était lundi. On aura en première écoute du son mystère. Donc le jeu aussi que vous connaissez, que vous pouvez appeler à 11h10, je crois, au 078-244-57-54 pour gagner une nouveauté. Vous pouvez gagner l'entrée au festival et en plat du jour. Hein? Donc ça augmente plat du jour au Festival Archipel, pas à la sportive. Hein? C'est juste ici à côté. Ça nourrit sa personne, oui. Spirituellement et physiquement. Exactement. On a aussi... J'avance moi, Antoine ? Oui, oui, je t'en prie. Ok. Mais je te coupe la parole. Oui, c'est très bien, c'est très bien, comme dans les vraies radios. On a la chronique de Doris qui va interviewer Vincent Deroguin sur les livres qu'il aime bien. Donc Vincent Deroguin qui s'occupe de la bibliothèque du festival, dans laquelle vous pouvez venir à acheter des livres très intéressants sur le son, la musique et la vie des acteurs culturels de ce monde. Et on aura aujourd'hui toute une journée consacrée à notre invité du jour, un invité du jour qui est sur notre plateau en allemand à Berlin. C'est Cédric qui gère le label, une organisation plus qu'un label, CIRF, qui s'occupe des musiques expérimentales et autres, un peu comme au Festival Archipel, mais dans d'autres continents, et surtout en Asie et en Afrique, et je crois depuis un moment aussi en Amérique latine. Et donc on aura Cédric sur le plateau pendant toute la matinée à différents intervalles. On aura le documentaire de Rudy sur les installations du festival. Donc vous pourrez entendre avec l'oreille de Rudy les installations sonores qui sont présentes au Festival Archipel. Et on aura toujours le jeu sans mystère. Là, vous pouvez gagner le plat du jour et l'entrée au festival, la chronique de Mélia Roger et Attila qui nous fera sa chronique sur le workshop qu'il est en train de faire ici au festival avec ses promenades Soundwalk, promenades de perception sonore de réalité réduite aux perceptions altérées. Et on terminera avec le partage d'écoute que c'est aujourd'hui avec de Asia Armetianova que nous avions reçue hier en interview. Exactement, très bien. Donc on va commencer avec la capsule du jour d'avant. Hier, Archipel. Donc, est-ce qu'on y va ? On y va. Super. C'est la première fois que je m'occupais d'un orchestre, un petit peu, que je m'occupais, que j'assistais à l'accueil d'un orchestre de 70 personnes. Ça va pas mal, écoute, on a une équipe de bénévoles forte, vraiment. Et puis là, pour l'instant, on n'est pas dans une période de récession importante, donc... C'est tranquille, il y a des gens. Les gens viennent, repartent, ils mangent, ils boivent. C'est super, très bonne ambiance. Il fait beau, il est 19h30. tente, l'été arrive. La pluie, il y a des petites vagues, il pleut un peu, mais ça va pas durer longtemps. C'était un voyage, c'était bien. C'était assez touchant de l'entendre parler ce matin et d'entendre sa musique ce soir. Fragile et en même temps monumentale, c'est assez beau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous allons passer maintenant à l'écoute du son mystère qui nous a été proposé par Gabriel Valchev. Son mystère que vous pouvez à 11h10 par le biais du téléphone appeler au 078 244 57 54 et gagner l'entrée en plat du jour au festival. Donc je sais, j'ai pas un retour très fort dans le casque, je sais pas si à la maison vous avez entendu le son mystère mélangé avec des percussions. Si c'est le cas, les percussions ils n'ont rien à voir avec le son mystère et c'est du son que vous allez entendre un peu pendant tout le long de l'émission radio parce qu'ici à côté il y a un atelier de percussions musicales pour malentendants. Est-ce que c'est correct? Par l'ensemble cactus. Tactus. Ok. Donc voilà, ça va être notre ambiance sonore de la matinée.